Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir, bonjour, monsieur Melon. Hello, Grigoula. Bienvenue dans une nouvelle émission, plein de contrastes, plein de sons nouveaux, plein de sons différents, plein de sons planétaires. On va partir directement en Allemagne, voyez-vous, avec les Schlachthof Bronx, avec leur dernier maxi en date qui s'appelle Karimbo, sorti sur Man Recordings en 2011, fin 2011. On va écouter un extrait tubesque, une belle saloperie comme on dirait, avec Coolie Fritz, Schlachthof Bronx, dans le secret du son d'Abba. Sure that my coins are counted right. My guap will wreck, my cheddar never slide. Down to Habibi to get my coolie fruits. I'm sweating bullets, I'm loaded, ready to shoot. And I sit down to the grocery store. Then buy one, get one free, then buy some more. I want that sweet thing. I want that sweet thing. I want that sweet thing. I want that soup. I want that sweet thing. I want that sweet thing. I want that sweet thing. I want that coolie fruit. Schlachthof Bronx dans le secret du son d'Abba avec effectivement une belle cochonnerie ce Coolie Fruit. Ouais, Coolie Fruit qui fait évidemment chauffer le dance floor et un peu partout dans le monde depuis sa sortie. Schlachthof Bronx qui a sorti déjà 2-3 albums par-ci par-là, m'avait jamais vraiment émoustillé. Il y avait toujours des choses assez inégales. Évidemment, le format EP leur correspond bien. Le Karimbo EP est une belle grosse saloperie de 4 titres qui guinche pas mal. Le duo allemand, on le retrouve dans tous les remixes tropical bass du moment. On pense, on va en parler après, de nouvel album de Fasté. On pense certaines formations Kuduro, etc. Ils sont dans la place, les Allemands, qui finalement, toute cette scène là, finalement, tropical bass semble un peu ignorer la France, comme d'hab. évidemment, Max Le Daron fait quelques soirées à Paris. On pense à nos amis de Choucous Ethnique sur l'Orléans, mais à part on ça... On a toujours préféré l'Oasis au Tropical. Ouais, c'est ça si le problème. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est bien dommage parce que tout ça est en train d'exploser. Je pense que Papy Brossard va s'y intéresser dans 10 ans comme le dubstep et va dire ouais c'est le moment, c'est la place, passons. On va en écouter de la grosse balle après avec le retour du coup d'ouro fondamental d'Angola avec Titi Teka, mais place à Melon avec son dubstep. Justement, même pas mort Papy Brossard, écoute ça. c'est voilà, on va se faire une double tranche de dubstep un peu pachydermique, un peu pompier. J'avoue que j'aime encore bien ça. Je me le fais à petite dose aussi. C'est peut-être la recette pour pas en avoir ras-le-bol. Tout d'abord avec Ek qu'on connaissait sur Hans Animen pour ses albums plutôt d'obédience ambiante, délicate. Nappé, fragile, parfois soyeuse, parfois peut-être un petit peu trop impersonnel. Enfin, ça c'est peut-être un avis que j'aimais, mais que tout le monde ne partagera pas. J'étais pas toujours complètement convaincu. J'avais quand même beaucoup aimé son Night Falls en 2008. Ça c'est vraiment un album que je vous recommande encore aujourd'hui. Et puis, il n'a pas résisté à l'appel de dubstep. Voilà, des basses twistées et des sub-basses vrombissantes. C'est peut-être aussi l'occasion de ramasser un petit peu de caillasse au passage. Et puis du coup, il s'y met avec Avenger, un album CD bourré justement de ces gimmicks qu'on connaît par cœur, mais qu'on aime bien. C'est plutôt réussi. Il se fait aider avec certains ténors du genre comme Mata, hein, qu'on connaissait, avec Doté, comme qu'on connaissait pour ses productions sur Ad Nauseam. Très bon dernier album quand voilà, même. Voilà, et puis l'album se termine avec une palanquée, 5 ou 6 remixes plutôt réussis, dont un de Dead Feather pour clore le disque. C'est pas ça qu'on va s'écouter, on va s'écouter le morceau Sutter avec Mata, justement un dubstep tout à fait classique et diablement efficace. C'est parti. Ek, dans le secret du cinéma. Il ne recule devant rien, mon cher Greg. Ça se danse les mains sur les cuisses. C'est vraiment la musique de fête foraine comme on les aime, si on aime les fêtes foraines toutefois. Voilà, c'est vraiment ultra pompier, je le disais, ultra efficace aussi. On aime ça ou on déteste ça. En tout cas, voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être entendu. C'est le bulgare Balkanski et le et l'espagnol Lobstep Walker qu'on avait déjà diffusé pour leur un EP Fractal. Entre temps, il y avait eu le EP Symmetria, puis ces deux EP sont réunis en un album Adhesion, plus quelques inédits, dont ce 8.9, plus fort que la 8.6. Les 8.9. Voilà, Balkanski, après cette Dubstep is not dead, parce que c'est un peu ça, voilà, c'est enterré ça. Tous les deux jours, le dubstep est toujours bien vivant. Comme le Kuduro a vécu deux étés qui lui auraient pu être fatales, tellement le genre a été récupéré par l'Eurodance nauséabond qu'on connaît très bien, l'Autotune qui était en train de déferler sur les meilleurs prods, les artistes qui quittaient l'Angola pour se perdre en Europe et dans se les boîtes prostituer. De... Ouais. Ça c'est possible. En tout cas, une Europe qui s'effondre, un Angola qui tient la barre. Et finalement, quand on y gratte, on creuse, eh bien, le Kuduro renaît de ses cendres et sous parfois des formes un peu étranges, et pour le coup, si bien le cas, avec l'artiste Titika. Titika est une drag queen relance le genre avec, vous allez pouvoir l'entendre avec un titre assez terrible qui s'appelle Hola Oboneko, tiré de ce single, parce qu'il n'y a pas d'album en Kuduro, c'est que des séries de singles digitales, bien évidemment. Il y a bien longtemps qu'ils font plus de disques en Angola. En tout cas, on va écouter un extrait de Titika. Qui a un autre, on va dire, quand elle quitte ses beaux habits de drag queen, fait des participations à d'autres titres Kuduro dans des collectifs obscurs et que je creuse et que je vais découvrir. Je croyais que t'allais dire qu'elle était inspectrice aux hypothèques, mais non. Pas trop l'air. Titika, dans le secret du son d'abat. Oh mes amis, je suis Atitika, les nouvelles étoiles des Kuduro angolais, et qui boude na qui boude, on s'en fout. Não admirem mamoites, esse é pra arrebentar com as noites. Podem trancar os vossos papoites, essa dama vai causar mortes. Não ligo a discriminação, sigam com a globalização. Outrora fui bailarina, agora sou a menina que tá causando pânico na equipe. Eu sou da Bué de Beats, tu és da onde sua B. Ari, bora! Olha boneca, olha boneca, olha boneca, chefe, toma, chefe, toma, chefe, toma, chefe, toma. Espero que gostem do álbum e sei que a cena deu boom. Ainda por cima com a I, não contava de sua Wii. Matei a cobre, mostrei o pau. Sei que tens raiva e é normal. Minha tomada, vida é assim. Tudo que tem princípio tem o fim. Olha o beat, cheio pra catar. Uau, sai do caminho, eu vou te matar. O beat é por dia, vanina. Sou mais fofa que a tua galina. Pernas cheias de vitamina. Aguenta só a adrenalina. Cessa. Olha o boneco. De forma diferente, e quem quiser que comente, bem ou mal é de mim que vocês falam assim. Admite só que estás a gostar. Ari e Titika tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamuné de se coçar. Chore isso, arte isso. Não queremos compromisso. Não dizem já sou Lady Gaga. Agora estás a gagar, gaguejar, gaguejar. Olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, olha o boneco, É pra saberem. Tique, nem aguenta tudo, não tem medo de nada. Vocês já sabem. Ferreis com a própria fé. Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, ele toma. Chega e toma, ele toma. Olha o boneco, olha a boneca. Olha o boneco, olha a boneca. Chega e toma, ele toma. Chega e toma, ele toma. Chega e toma. Jumba, who ready for this? Yeah, that's right. Yeah, man, on a bit of a club. Live and direct. Live and direct. Yeah, them feels so they know it. Chat behind we back. They know how we feel live big life. Try to stop we. Obstacle in my way. Remove y'all. Hey, well, everybody. Everybody done now. Said I wanna jump up. Bad mind a try fail. Where them a go run? What I wanna can't handle. Too hard to angle. No for them a play with them life. Them a gamble. Bad mind get trampled. Set an example. Lock down the city. Cover every angle. Who they win a tangle? All like no tangle. Them carry a dangle. When I can't sample. Tell them hey. Get things straight right away. Today I picking teeth in all they lay. Hey. Working each and every day. So the bad mind wake up. We rolling hey. Well, everybody done now. Said I wanna jump up. Bad mind I try fail. Where them a go run? What the one I can't handle. Too hard to angle. No for them a play with them life. Them a gamble. Alright, you know see. Friend enemy get defeat. Some of them a rubber, some a move like teeth. You know see. Some of them gone too deep. Enough of them a pretend I try to deceive. You know see. Enough of them future look bleak. One them already said them can't take the heat. Pack it up, lock it up, rest in peace. Send for the earth's ambulance we no need. Well, everybody done now. Said I wanna jump up. Bad mind I try fail. Where them a go run? What the one I can't handle. Too hard to angle. No for them a play with them life. Them a gamble. Them a run down fame and fortune. Can't take the get to use them to cartoon. My time in a want hear about soon. We no boss gun chat, boss speak soon. They a long time, we no band yesterday. Work hard and they won't come take away. From your bad mind, move out from where. We done them anytime, anyway. So lazy, come off of your butt, go look, walk. Watch people things, man, it's your bad. Check them as crazy. How you born, forget stuck. Move like fast, you know you're in out of luck. Hey, dude, why you want people food? So we find out, said the boy, they are so too rude. Find out them get exclude. Now move right, there's no rescue. Well, everybody done now. Said they wanna jump up. Bad mind, I try fail. Where them a go run? What the one I can't handle. Too hard to angle. No for them a play. Them life, them a gamble. Well, everybody. Fasté dans le secret du son là-bas avec son morceau Jumbo tiré de leur album Tout chaud dans les bacs, Tough Like Stone. Le son de Chicago, la Ghetto House de Chicago avec DJ Funk et consorts est pas bien loin. Hein. Eh ben c'est possible, et là c'est Poirier à la production. Eh ben ouais, évidemment. Bah oui, évidemment, les gars de Montréal, Back in Town, avec ce premier album de Fasté qui. Un petit gars là qui avait participé à un duo qui s'appelle Kulcha Connection et qui avait plutôt bien fonctionné, je connaissais pas. Et ce qui est intéressant sur cet album, qui mélange dancehall hardcore, du reggae et des influences électro-hybrides entre bass, soca, grim, dubstep, qui est la marque de fabrique de l'ami Poirier, vraiment c'est vraiment réussi là, ce tube bien fort dans la maison, bien chaud, bien au chaud, il fonctionne à mort, vraiment fasté à mettre aussi ou à remettre en tout cas sur la carte des rois du dance floor, vraiment chouette, très chouette album et très chouette titre. On poursuit, on va ralentir la pulsation. Ah, on va s'essuyer avec des serviettes bien moelleuses, tu vois. On va se tremper, hein, moi je suis un peu voilà, trempé. Voilà, je te vois bien un peu tout suant là. On va se faire une petite dose d'influence indus en fait, mais l'indus à l'ancienne. Des premiers jours puisque Ecoplex est un petit peu sous cette influence, cette double influence en fait de Cabaret Voltaire et Throbbing Gristle. Oui, et puis pays, voilà, alors on est effectivement au Royaume-Uni, mais pour autant il vit à Bristol où s'est développée une scène mélangeant de techno et dubstep avec intelligence et ouverture d'esprit, et voilà, il est le produit de tout ça. En plus c'est pas un jeuneau, il a 40 et quelques années. Autrement dit, j'oserais dire une capacité de synthèse et de recul que peut-être les jeunes qui foncent n'ont pas toujours, n'est-ce pas, hein. Trêve d'anti-jeunes. En tout cas, voilà, Nick Edwards a pour autant une créativité débordante, puisque là, depuis quelques années, ça fait peu de temps qu'il est apparu sur les cartes musicales et la carte électronique, le circuit imprimé, je dirais. Il est en train de marquer là. Anglo-saxon et 2010, hein, ses premiers enregistrements. Et là, il y a déjà une palanquée d'enregistrements, beaucoup sur cassette, quelques EP vinyles, et on va s'en faire deux tranches à suivre. Un premier extrait d'un album en double cassette qui s'appelle Memovrex, l'album. Double cassette, monsieur, sur Mandant Music, vraiment un des labels qui compte en ce moment pour les musiques mélangeant justement le dance floor et les expérimentations. Avec le morceau Squalling Golem. Et puis derrière, on se refera un autre extrait d'un autre EP sorti dans les mêmes eaux. Tout ça est paru à la fin de l'année 2011. Et puis il y a déjà des productions pour 2012. On s'y intéressera certainement. Si vous allez un petit peu sur le web voir à quoi ça ressemble, je dirais l'installation d'un live d'Ecoplex, parce que c'est quelqu'un apparemment à voir en live, c'est une table couverte de petites machines interconnectées, et ça sent vraiment la manipulation, l'élasticité, le jeu sur les formes, le jeu sur les volumes. C'est très, voilà, il y a vraiment une impression physique très forte qui se dégage. On s'écoute ça tout de suite. C'est parti de Squalling Golem, extrait de Memorex sur le label Modern Music. Thank you. Les étranges sécrétions analogiques des complexes dans le secret du son d'Abba. Ben, t'as apprécié, mon cher Greg ? Très belle découverte, ce écoplecte. Voilà, on peut en lire déjà les éloges des travaux de ce garçon dans la presse spécialisée d'outre-Manche pour le moment, évidemment, à commencer par le Wire qui en a déjà consacré plusieurs colonnes. En tout cas, ça a l'air vraiment bien en concert, quoi, vraiment. Et voilà, alors, comment où et quand voir Ecoplex en concert? Bonne question. En tout cas, ça. Tu vas me donner des dates là, c'est ça? Non, du tout. Malheureusement, je vois pas du tout de. Il faudra passer la Manche, c'est ça que tu veux dire? J'ai l'impression. Ouais. Bristol n'est pas très très loin de l'Orient, mais bon. C'était donc extrait du EP Westerley Works sur un autre label, je crois, de Bristol qui s'appelle Perk Tracks. Et. Tout aussi savoureux, bien que plus court, que l'album en double cassette, Memorex, qu'on a écouté précédemment sur Moment de Musique. Et à noter, puisqu'on citait évidemment l'influence de Cabaret Voltaire, qui se faisait quand même drôlement sentir, d'ailleurs même titre, un petit peu que la dub techno allemande de Basic Channel et autres, on y revient souvent, mais c'est vrai que c'est... Quand, on se rend compte à quel point ce voilà Cabaret Voltaire d'un côté, Basic Channel de l'autre, on va dire 10-15 ans plus tard, c'est vraiment des incontournables aujourd'hui en termes d'influence pour toute la scène électronique moderne. Et donc Richard H. Kirk, un des fondateurs de Cabaret Voltaire, signe un remix sur ce Westerley Works EP qui confirme justement la cohésion de tout ça. Alors on change complètement de style. Oh là là, on repart vers le rock and roll et on part avec des vétérans, les vétérans de la scène post-hardcore émotionnelle des années 90, East Coast américaine. Je parle pas de Discord, mais pas loin. On est dans les mêmes terres, dans les mêmes eaux avec des vétérans qu'on a vus chez Maximilian Colby, Sleepy Time Trio, Fredus, The Exploder, Men's Recovery Project. Bref. La crème de la crème du post-hardcore des années 90, avant que ça soit une vaste blague au tout début des années 2000, et ben ces gars-là sont réunis pour former un groupe en 2007-2008, et ils sortent un premier Seven en 2011, le groupe s'appelle Regans. On va écouter un extrait de ce Seven de 4 titres qui est sorti sur Love It Records. Lovit Records qui a été un label qui a fortement soutenu tous ces groupes-là dans la fin des années 90. Et vraiment, j'avoue, vraiment un vrai coup de cœur pour ces quatre titres. Quatre titres vraiment plein de férocité, plein de... avec des coups de butoir au niveau de la batterie vraiment parfaits, des guitares qui sonnent tip-top. Et des cris qui sont vraiment hyper sincères, vraiment touchants. Et voilà, je suis vraiment un gros coup de cœur sur Regans. Évidemment, rien de nouveau, rien de neuf, mais juste le truc tip-top, la petite leçon pour tous ceux qui voudraient faire comme Regans dans le secret du son là-bas. Take time, but it is a damage today. Legal tests to apply to appeal. What Les Nantais de Chouchou Shot sont de retour avec une nouvelle chanteuse. Voilà, en 2012 avec l'album Playland, il sort sur Kitty Bong, Attends Réveil du Roi et Réjuvénation courant avril 2012. J'ai dit quoi en 2011 ? Voilà, je suis perdu. Chouchou Chouchotte, voilà, qui a mis du temps à revenir, 2 ans, 3 ans, je sais plus, après un premier album assez fulgurant. Et là, ce deuxième album est vraiment tout aussi bon, avec des morceaux ramassés comme ça, et puis d'autres plus longs, où le chant de Caro, la nouvelle chanteuse, prend tout l'espace, qui prend... donne aussi toute une nouvelle dimension à la musique. Vraiment, les compos sont très solides, le son est vraiment très bon, la production est pile poil, correspond au gazier. Que dire, que c'est l'un des albums aussi qui était très attendu, et je considère qu'il se rate pas du tout. La marche était haute après un premier album vraiment réussi, et là je trouve que ce nouvel album est vraiment une fois de plus une réussite. On enchaîne avec. On, on est dans la réussite la plus complète, mon cher Greg. C'est la réussite. Là, c'est la réussite. Pas pour tout le monde, mais c'est la réussite. Voilà, ça dépend pour qui ce soir, effectivement. Mais en tout cas, pour Berrocal, Fenes et Tarzartes, c'est à nouveau aussi la réussite avec un album. Super disque. Bah comme ça c'est clair, c'est super comme disque. Ça c'est super disque, c'est super bon, c'est de la poésie lunaire, de la poésie sonore, c'est magnifique, hein. Comme on l'aime. C'est vraiment subtil, déglingué. C'est olympique. Là il y a les copains qui racontent n'importe quoi, qui essayent de me perdre, mais ils n'y arriveront pas. On va s'écouter un extrait avec un poème de Stéphane Mallarmé. Admirablement mis en musique là par ce trio de Parigo. Ça toi, s'appelle tu les as vus en concert, Sainte, hein. Et je vous les recommande en concert parce que c'est vraiment un moment voilà, d'exception, génial où vraiment on est transporté dans plein d'endroits. Je les ai vus à Paris, je les ai vus à Brest. Vénard. Et j'espère bien que je les reverrai. Et voilà, c'est vraiment un moment donné où le temps s'arrête, et puis vraiment tu les vois avec leur manipulation. Eux-mêmes sont vraiment complètement ailleurs, et c'est et pour le coup tu les suis très volontiers. On s'écoute donc le morceau Saint, extrait de cet album super disque très réussi, mon cher Greg. Très réussi. Publié par l'indispensable belge Sub Rosa. Elle balance sur le plumage instrumental, musicienne du silence. Je rate l'autobus. Je croyais bien tenir le marche-pied. Mes bas filent sous moi. Je renverse toute ma monnaie sur le pavé. Mon sac à main, trop tard pour lui. Je rentre chez moi. Je m'accroche au rideau et tombe comme une toile d'araignée. Je remets le bouton de la porte à sa place. Il m'était resté dans la main. Ma bague a roulé sur le divan, je ne sais comment. Et je ne peux pas tout ramasser à la fois. Oh my God. Regarde, c'est qualifié beaucoup. Guy? Aïe, n'est pas. Ah, quoi là? Application, container, c'est bon. Michel Chion dans Le Secret du Son d'Abat. Avec la Vierge Folle. Voilà, on aura vraiment tout entendu dans cette émission. Et c'était pourquoi pas, puisqu'on s'est amusé à vraiment tout essayer, ben, il fallait aussi faire un détour par, par le travail acousmatique et excessivement intellectuel, bien que non dénué d'humour, de Michel Chion, qui, mon cher Greg, a l'âge de nos papas. Hein. On dira pas les noms de nos papas. Autrement dit, il est là depuis quelque temps et il fait partie du paysage. J'ose pas dire musical, en tout cas sonore français, théoricien reconnu en matière de lien entre son et image, professeur dans des écoles renommées comme l'ESSEC notamment, et vraiment spécialiste d'un certain nombre d'auteurs sonores comme Pierre-Henry ou d'auteurs visuels et sonores comme David Lynch. Et donc, il commence à avoir une discographie assez conséquente aussi, Michel Chion, depuis le milieu des années 70 au moins. Moi j'avais adoré et je vous recommande vraiment, ça reste de tout ce que j'ai entendu de lui, son œuvre je trouve la plus aboutie, c'est tout simplement son Requiem. vraiment sublime et assez, assez impressionnant, publié justement au milieu fin des années 70. Et puis là, on vient de s'écouter un extrait d'un double CD paru en 2010 qui s'appelle Diktat et qui est en fait une réédition d'un travaux, de travaux qui avait été commandé par le groupe de musique expérimentale de Marseille en 79, tu vois. Donc tout ceci ne nous rajeunit pas, c'est extrêmement actuel. C'est, ça vaut vraiment le coup d'être entendu, d'être écouté, peut-être d'être disséqué, pourquoi pas. Et puis je vous recommande la visite aussi de son site internet où on peut retrouver notamment en libre accès tout son glossaire ou une grande partie de son glossaire sur tout le vocabulaire et notamment un certain nombre de néologismes qu'il a... On peut dire oui, des néologismes, enfin des créations sémantiques qu'il propose pour mieux définir le rapport du son à l'image et le rapport des êtres humains au son. Qui devrait m'aider des fois. Bon, tant pis. Tu pourras du coup savoir ce que c'est qu'une acousmatisation, qu'un acousmètre ou qu'une aimantation spatiale, mon gars. Enfin, tu veux. Ça m'aiderait quand même. Voilà, ce qui t'aidera, je pense, au quotidien. Eh bien, on va clôturer cette émission du Secret du Son d'Abba qui vous en a vu des vertes et des pas mûres, comme d'habitude. On va clôturer avec... Une petite messe noire, bah oui, bah oui. On a commencé avec du voodoo coudouresque, on va terminer avec une messe noire anglo-saxonne. Ouais, on peut même plus dire qu'ils font du black metal, ça fait très longtemps que Sunho, on leur dit plus. Ou ni du drone, je sais pas où ils en sont, tant mieux pour eux. Qu'on n'arrive plus à les étiqueter. Là, ils sont remixés par North with Wound, des géants de la musique, des musiques ambiantes, indus et déviantes. Et ça fonctionne. On reproche souvent à North with Wound de publier trop de disques. C'est vrai qu'on a un peu la flemme de suivre la production complètement. Qui ressemble plus à une avalanche qu'à une discographie de North with Wound. Et là, ils sont là pour le meilleur, pour souligner les drones et les volumes de Sun et les enluminer par des nappes synthétiques et des ambiances fantomatiques avec vraiment un côté complètement qui tient à la fois du chamanisme, de la messe noire, enfin vraiment une ambiance très très cryptique. Assez pesante. Pesante. Mais pas. Ça reste. Il y a des passages un peu lumineux qui relancent toujours ces moments-là. Voilà, lumineux dans les ténèbres, hein, bien sûr. On s'écoute ça tout de suite. J'ai même pas les références sous les yeux. C'est publié par une sous-division de. Sur Zone Lord, non ? Non, c'est bien Édition Mego. C'est Ideological Organs, ah oui, un truc comme ça, qui publie ce disque. Vous verrez de toute façon les références le sur le web. Mais le graphisme, ça fait vraiment passer. Voilà. Ça aurait été sorti par Southern Nerd, le label de Sunho, ça aurait été pareil. On écoute quatre titres et on s'écoute la troisième plage. Ouais, Ash on the Tree. On se quitte là-dessus. Oui, on va essayer. Bonne nuit, bonsoir, bonjour, à très bientôt dans le Secret du Son d'Abba. Leaves me blind. Thank you.